J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir l'émission qui vous découvre l'émission. Mes intros à chaque fois, c'est n'importe quoi. Et je monte le son de mon casque parce que je ne m'entends pas du tout. C'est l'émission qui fait découvrir les comics. Et voilà, et vous l'avez entendu, je suis avec Faye. Salut Faye. Bonjour James, bonjour l'équipe et bonjour les auditeurs. Voilà, nous sommes avec Johnny qui est en train de dessiner. Allô. À côté de lui, il y a le revenant. À chaque fois, c'est le revenant en fait. Peux m'appeler Thomas. Donc, ça voilà, va. Thomas du Geek Chic. Salut Thomas, ça va? Oui, ça va très bien. Ok, et le petit nouveau, Romain. Salut tout le monde. Et voilà, et on va vous parler cette semaine de Tortue Ninja. Donc il va falloir sortir vos pizzas, vos katanas et vos nunchaku, tout ça. Voilà, Kawamonga. Et avant de vous parler de Tortue Ninja, on va faire les news. Est-ce que Faye fait les news avec moi? Oui, je sais pas, comme d'habitude. Et on va partir sur les news. Et mon casque est beaucoup trop fort, je viens de m'éclater les oreilles. Tu veux commencer par... on fait comment? Comme tu veux, mon ami. On fait une nous chacun, si et bah tu vas commencer. D'accord. Allez. Alors, est-ce que vous voulez tout de suite votre feuilleton préféré de Comics Discovery, celui qui vous fait rire? Non, je veux pas qu'on parle de ça. Qui est plus prenant qu'un épisode des Feux de l'Amour. C'est quoi? Puisque James a l'air torturé, je le fais de suite. Il s'agit de Batman, le retour. Eh oui. Alors, oui, chaque semaine, vous avez le droit à une nouvelle 50e. News sur Batman. Fantastique. Alors, Batman n'a pas découvert que son père était en fait une tortue ninja, non. Eh bien, il a des soucis, car son acteur principal, le petit Ben Affleck, risque de le laisser tomber. Et comme c'est déjà assez bien triste, eh bien sachez que le film qui avait perdu son réalisateur en a reperdu un deuxième, à savoir Matt Reeves, qui a cessé toute négociation avec la Warner. Alors pourquoi? Quel est donc ce mystère? Le film est-il vraiment si mauvais que ça? La Warner veut-il mettre Jar Jar Binks à la place de Ben Affleck? Que se passe-t-il? Je vous le demande. Quelqu'un veut réagir? Non, moi je veux réagir, je vais me suicider, ouais. Je pense. Je vais prier le Saint Dieu, Jeff Jones, s'il te plaît. S'il te plaît, Jeff Jones, trouve-nous une solution pour tous ces problèmes et fais-nous un beau film. Parce que je crois en toi, je crois en mais arrête de dire ça, t'as dit ça de Ben Affleck et regarde où il est maintenant. C'est plutôt drôle de voir la Warner passer en chute libre comme cruel, ça, c'est vraiment drôle de la voir Warner, ça. Attends, ils ont fait Suicide Squad, ils méritent bien ça, non? C'est vrai. Ils sont habitués aux productions chaotiques quand même, Warner, depuis qu'ils ont voulu s'attaquer au DCU là. C'est compliqué pour eux, quoi. Oh, mais ils sont allés beaucoup, beaucoup trop vite. Ils auraient dû prendre le temps de bien installer leur univers avant de commencer à faire quelque chose d'énorme. Du coup, ils savent pas, comme je le dis plein de fois, ils ne savent pas quelle est leur cible, qui ils veulent toucher, ce qu'ils veulent faire vraiment avec l'univers. Du coup, forcément, eh ben, ça se casse la figure. Moi, je pense surtout que les réalisateurs, ils voient que les producteurs, ils respectent pas leur vision et du coup, ils se barrent, mais enfin, je pense vraiment que c'est pour ça qu'ils ont perdu leur réalisateur. Ouais. C'est la patate chaude. Ce script, il a l'air horrible, genre tu l'ouvres, t'as les portes de l'enfer, et du coup à chaque fois les réalisateurs arrivent et ils ont pas envie de rester. Ouais, mais c'est ce que disaient, c'est les rumeurs, on a dit que c'était faux, mais bon, certaines rumeurs disaient que des script docteurs avaient dit, mais faut rebosser ce script, il est vraiment trop mauvais. Et les producteurs avaient dit, mais non, on s'en bat les couilles, on fait le film comme on veut. Et puis, à moins qu'il ait poussé à partir pour mettre Mel Gibson, parce qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi on lui aurait proposé Suicide Squad 2, mais peut-être que c'est Batman qu'on veut lui proposer. Ça m'étonnerait, je pense que ça sera un Yes Man qui va accepter ce projet, et ça va être une erreur. Une petite erreur. Mais peut-être que Jeff Jones, le roi James Jones, le dieu Jeff Jones, mais va arrête. Nous trouver. Si tu continues, il va se faire. George Miller, ça serait excellent ça, derrière la caméra. Pour les gens qui ne seraient pas. George Miller sur Batman Mobile. Son projet sur Justice League qu'il avait préparé, ou même ce qu'il avait prévu de faire sur Watchmen, ça aurait été assez intéressant à voir. C'est vrai. Là, il y a Gotham qui va péter de partout, ça serait pas mal. Sinon, on laisse à Zack Snyder, mais bon. Il m'a pas convaincu sur BVS. Mais chut, on n'a pas besoin de ton avis. Ouais, non, on revient pas là-dessus. Ça y est, ils sont repartis. En plus, il y a eu une pétition des fans qui veulent à tout prix avoir Zack Snyder derrière le film Batman, quoi. Bah, c'est vrai que voilà, effectivement, les fans, eux, sont dit où on en est, gardons Snyder. Bah, sa patte créatrice avec un peu. Enfin, son univers irait bien avec Batman. Enfin, je trouve que son Watchmen était vraiment très respectable. Mm-hmm. Et je pense que ça va un peu sur dans BVS, les mêmes thèmes. Je trouve que le Batman, il le mettait assez bien. Enfin, bon, on va arrêter d'en parler parce que sinon, ça va être devenir. Ouais, je reviendrai la semaine prochaine. Allez, on passe à une autre news. Et il n'y a pas de virgule qui passe, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Désolé. Moi je voulais parler de vous, la fondatrice de Vertigo. Donc Vertigo, pour les gens qui ne savent pas, c'est un label de chez DC. Donc c'est toujours dans les éditions de DC, mais c'est à côté, c'est pas dans le même univers. Et donc c'est la créatrice de ce label de chez DC Comics qui avait quitté au moment des New 52 Vertigo, donc en 2013, qui avait quitté la distinguée concurrence, et là qui va rejoindre et qui va créer son propre label de Creator Owned. Donc les Creator Owned, c'est comme un truc normal, sauf que là c'est pas l'éditeur à qui appartient les personnages que vous allez créer, mais c'est aux auteurs. C'est un peu comme dans chez Image Comics par exemple, où par exemple Spawn appartient à Todd McFarlane, et si vous sortez, enfin voilà, vous avez compris je crois. Et en fait elle va sortir son propre label chez Dark Horse, et ça va s'appeler Berger Books. Et c'est une news assez cool, puisque cette femme, c'est elle qu'on doit tous les grandes perles de Vertigo, donc le Sandman de Neil Gaiman, 100 Bullets, enfin tout, Preacher, voilà. Toutes les petites perles. C'est dommage qu'on ait pas Mathieu avec nous, parce que c'est vraiment un très très grand fan de cette éditrice. Et d'ailleurs je lui disais hier que j'avais vu cette news, il a dit j'achète tout. Je pense que ça veut tout dire. Donc voilà, surveillez Dark Horse et surveillez Berger Books, parce que ça va être très très très cool. Est-ce que vous avez une petite est-ce qu'il y a des fans de Karen Berger autour de la table? Non, pas du tout. De Vertigo, c'est pas fan de Vertigo. Si, j'adore les titres que t'as cités, les titres publiés, donc bon, on va s'intéresser à ça très très près, hein, que ce soit Preacher, 100 Bullets ou Sandman, c'est que du très très bon, du classique. Oui, effectivement, du classique. Et en plus, elle a dit qu'elle allait bosser avec des auteurs qu'elle aime, donc elle va ramener des auteurs qu'elle. Donc pas super. Steve Dillon, malheureusement, mais peut-être Warren Ellis ou peut-être. Ça serait une très bonne nouvelle, ça. Ouais, donc voilà, on va passer à une autre news. J'entendais la virgule. Ouais, je suis désolée. Alors, vas-y. Bah, je vais partir sur encore des infos de tournage avec une nouvelle rumeur. Il semblerait que cet été, précisément le 15 juin au Canada, se tournerait un film X-Men qui aurait pour l'instant le nom de Supernova. Oui, et ce film mettrait peut-être en vedette un certain Phénix Noir. Et oui, l'interprète de Jean Grey, la petite Sansa, je ne me rappelle jamais son nom, cette petite toune. Je sais plus. Bon, la petite Sansa, on s'en fout. Elle aurait donc fait des petites allusions via son compte Twitter donc, pour un nouveau film X-Men. Oui, parce que tout le monde est petit avec moi, et c'est ah, mignon. Ah, donc c'est la meuf qui faisait pas. C'est pas le retour de. Merde, celle qui faisait. De Frankie Johnson. Non, c'est toujours. Ça sera donc une suite à Apocalypse. Ouais, voilà, avec donc, les X-Men. Pourquoi pas? Moi j'aime beaucoup Jean Grey, le côté Phoenix Noir et nous et tout, donc je suis assez. Ouais, j'ai envie de voir ça au cinéma, mais comme j'ai été déçu par les deux derniers X-Men, j'ai un peu peur. Je trouve que dans Apocalypse, le Phoenix, il était plutôt mal exploité dans. Enfin, en même temps, c'était le Deus Ex Machina. Enfin, c'était pas un super X-Men, enfin, il n'était pas non plus à jeter à la poubelle, mais. Si, à jeter, cracher dessus, brûler. Et... Le mec a pas tué BVS, mais il a tué mon Apocalypse, quoi. Je l'ai préféré à BVS, toi. Sont tout est mieux que BVS. Ah, on va pas revenir sur ce débat. Mais d'ailleurs, on a vu encore Mathieu. Il est à chaque. Décidément, on parle beaucoup de lui. Il disait justement par rapport au titre, parce que Supernova, X-Men Supernova, c'est un vieux titre des années 90 qui ressort dans pas longtemps d'ailleurs. Ouais. Et apparemment, ça a rien à voir. Non, mais surtout que là, en fait, ce qu'il faut savoir, mon petit James, en faisant mes recherches, c'est que ce titre est un titre provisoire, un nom de code en fait. Donc le titre peut changer. Okay. Voilà. Après, moi, j'ai pas beaucoup de confiance par rapport à X-Men. Il y a à peu près rien qui m'a plu dans tout ce qu'a fait Bryan Singer. Les deux premiers X-Men étaient quand même très bien. J'aime pas cela. Bon, c'est pas grave. C'est ton droit, James. J'aime pas les premiers X-Men. Non, j'aime pas Bryan Singer. Donc mais tu es mort à l'intérieur, on t'a dit. J'aime que First Class en fait. First Class c'était cool. Et ouais, First Class il était génial. Ouais. C'est vrai, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous avez encore confiance en la Fox? On va voir ce qu'ils vont faire avec Logan déjà. Mais moi j'ai confiance. Hein, ils nous ont fait un super Deadpool. Après le Apocalypse, il était pas fou. Enfin, ils ont essayé de faire une sorte de Day of Future Past, mais en moins bien, j'ai l'impression. Mais bon, on verra bien. Johnny, t'as un... Ben, j'avais déjà dit que j'arrêtais de voir les films X-Men et Logan sera le dernier que je verrai. Et en fait, c'est principalement parce que Logan ou Deadpool, ça a l'air d'être des films faits en dépit de la compagnie, c'est-à-dire sans trop de contrôle de leur part et plus ou moins sans leur avis d'ailleurs. Parce que Deadpool, ils ont galéré pour ne serait-ce que pour faire le film. Oui, bah oui. Et donc non, les films X-Men classiques m'intéressent plus, j'ai plus envie de les voir. Par contre, Logan, il a l'air intéressant. Le Deadpool, il était intéressant et c'est parce qu'ils étaient originaux. Et je retrouve pas la même originalité ou ne serait-ce que de la vraie fidélité aux comics dans les films X-Men classiques, on va dire. Ouais, peut-être s'ils exploitent une sorte de nouveau truc, parce qu'à chaque fois, ils exploitaient toujours Magneto et... Xavier, enfin, il reste toujours dans les mêmes thèmes en permanence. Ce serait bien qu'il change un peu d'originalité. Je suis d'accord avec Thomas. D'accord. Et Romain, ouais. Non, pas d'avis. Non, okay. Pas d'avis spécial. Ouais. Du coup, tu veux, je continue juste sur la dernière info tournage comme ça. Après, j'en ai encore d'autres, donc c'est pour ça. Bon, bah vas-y, finis. Si je finis comme ça, tout ce qui est tournage, c'est fini. Juste pour finir sur les tournages, on a le nom du réalisateur pour le film Shazam. C'est David F. Sandberg, à qui on doit le film pas super, enfin qui s'appelle Dans le noir, que perso je n'ai pas aimé, qui était un film d'horreur en fait, qui avait un concept intéressant, à savoir une créature qui se cache dans le noir et qui vous attaque, pas super mais réalisé. Qui sur la longueur ne tenait pas le coup. Je vous conseille par contre le court métrage qui avait été fait, je te montre. C'est lui qui l'avait fait d'ailleurs, non? Ouais, et il était très bon. Bah, peut-être qu'il fasse un court métrage Shazam, ça serait bien. Un court métrage Shazam. Ouais, voilà. D'accord. Au moment où on est sûr qu'il y aura pas de longueur. Au moment on n'est pas déçu. T'as un petit truc Shazam. Ouais, on va aller passer à une autre news. Et moi j'ai des petites révélations à vous faire sur Rebirth, donc l'événement de DC qui va tu sortir. Tu peux redire s'il te plaît? Rebirth. Oh, j'ai adoré le Rebirth. Alors attention, c'est un tout petit peu spoilant, mais c'est par rapport à une cover en fait qui est sortie de la cover de Batman 22, donc qui a été dévoilée il y a pas longtemps chez DC Comics. Et en fait récemment sur Flash et sur Batman, ils ont fait des covers que si vous bougez la couverture, et ben le dessin change. Et en fait celui de Flash, on disait pas grand chose, on voyait juste Batman et Flash qui tenaient le fameux pins du comédien dans Watchmen. Pour les gens qui ne savent pas, en fait, depuis cet événement, donc depuis Rebirth, ça spoil rien du tout. C'est tout le monde le sait. Bah, c'est pas arrivé en VF encore Rebirth. Oui, mais c'est leur argument de vente pour cette série. C'est l'argument de vente, donc forcément. Donc c'est l'univers de Watchmen et l'univers de DC se recollent et ils vont faire un seul et même univers. Et là, en fait, dans cette cover, on voit deux personnages sur la crimalée, donc avec des gens qui sont en train de, pendant que des gens sont en train de mourir. Donc on pense que c'est peut-être Thomas et Martha Wayne. Ou hypothétiquement quelqu'un d'autre, puisqu'en fait on voit Reverse Flash, mais le Reverse Flash original, donc avec son costume jaune et rouge, puisque je sais pas si vous savez, mais dans les New 52, donc Reverse Flash c'était plus le même personnage, c'était un black qui avait un costume noir et rouge, et je crois qu'il était de la famille d'Iris West. Et en fait là c'est le costume original, et quand vous bougez la couverture, c'est un Batman, mais un Batman qui a un logo rouge et qui a des petites épaulettes, donc en fait ce n'est pas Batman, c'est Thomas Wayne en fait, de Flashpoint. Donc alors là t'as perdu tellement de gens, enfin moi j'ai compris, mais ceux qui connaissent pas mon avis, ils sont paumés. En fait c'est on reconnaît un Batman, mais via le costume on sait que c'est pas Batman original, c'est un autre Batman d'une terre parallèle qui est Flashpoint en fait, qui est l'événement qui a mis en avant le New 52, donc l'univers juste d'avant l'univers qui est en ce moment en VF. Regardez Flashpoint ou lisez-le. Mais... Oui, on en fera un jour, mais là c'est juste pour vous dire que Flashpoint, qui est vraiment un de mes runs préférés. Qui est un pilier maintenant, limite. Oui, le pilier de l'univers qu'on a en ce moment en comics. Et d'ailleurs, ça avait été adapté en animé, si des gens veulent voir, pas tout lire. C'était pas génial, par contre. C'est pas génial, mais ça permet un peu d'avoir un aperçu du truc, je pense. Il y en a, ils le trouvaient bien, mais ça se trouve, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le comics, c'est sûrement pour ça. Exactement. Et du coup, cette cover nous montre que Flashpoint et Rebirth vont être liés, donc il va y avoir quelque chose par rapport à ça. Et moi ça me hype beaucoup. Est-ce que vous avez un petit avis sur Je trouve que DC gère mieux que Marvel en ce moment, en termes de vente ils sont, au-dessus, mais ils sont au-dessus, donc Ça faisait depuis longtemps, parce qu'à un certain moment c'était vraiment Marvel qui dominait grâce aux films et tout ça, les Gardiens de la Galaxie, mais là c'est grâce à Rebirth, vu qu'ils ont fait des mauvais events avec par exemple Secret Wars qui était nul. Bah, je le pense Secret que... Empire c'est pas mal, est-ce qu'il va Je sais pas, mais en tout cas DC gère bien ses events, en tout cas Rebirth c'est que des bons avis dessus. Mais en fait ils devraient les embaucher pour faire les films hein, si genre... Oui peut-être. Et est-ce que petit avis, est-ce que tu attends, est-ce que tu fais ouais, j'attends vraiment Rebirth avec impatience parce que comme disait Thomas, il n'y a que des bons retours dessus. C'est vrai que New 52 on avait eu quelques bonnes séries mais dans l'ensemble c'était quand même assez moyen. Ah non, moi j'ai tout kiffé. Ah ouais, bah il y a quand même y a Wonder Woman qui est sorti du lot, quelques bonnes choses sur Batman, mais bon Superman, Flash. Flash, tu fous de ma gueule. Attends, Flash. Le Flash de Manapool et Buccellato, c'est la meilleure chose qui est arrivée à Flash depuis 30 ans, quoi. Ouais, non. Non, mais il est fanboy de Manapool. Ah non, c'est mon dessinateur préféré. Ouais, mais après, il quitte la série, tu sais. Ouais, après, il quitte la série, ça devient nul. Mais le début est génial. Il y a plein de gens qui ont dit ça, ils ont dit qu'une fois que Manapool. Les 4 premiers tomes, ils sont géniaux. Voilà, bon, non, en tout t'as cas, pas aimé ? Pas trop, non, j'ai pas surkiffé, non, mais... Tu peux voilà, c'est pour ça que j'attends Rebirth avec impatience. Johnny, est-ce que t'as un petit avis ? Est-ce que tu vas te mettre à DC avec cet event ? Généralement, pour DC, j'ai tendance à... Je m'intéresse pas aux gros événements importants qui vont, soi-disant, changer l'univers en permanence. Et c'est pas que pour DC, c'est pour Marvel aussi. Je m'intéresse surtout à ce qui est des plus petites séries. Donc ça va être, de chez Marvel, ça va être du Moon Knight, des trucs où, qui sont pas concernés par les gros événements. Et là, par tu viens de nous dire, avant l'émission, que t'avais lu le truc par lequel ils mettent en avant Super Sons. T'as dit que c'est un peu le titre qu'ils mettent en avant. Mais il est pas concerné par les gros événements qui vont changer l'univers. C'est une petite BD sur deux personnages qui font leur truc dans leur coin. Et c'est le genre de truc que j'aime bien parce que généralement les auteurs ont plus de liberté tout ça. Oui, bah oui. Et donc ouais, à mon avis. Après les gros events, ça peut être sympa. Donc pour moi, ça va être plutôt de ce côté-là parce que les gros bouquins où ils se produisent des trucs plus ou moins post-apocalyptiques là. Ok. Et Faye, est-ce que tu vas te mettre à lire du comics avec... Faut voir l'histoire. Ça fait un moment que j'avais un peu arrêté DC. Je sais pas, si l'histoire est sympa, pourquoi pas, je jetterai un coup d'œil. Ok. Et ben on va passer à la suite. Oui. Alors je fais ma petite dernière news ciné. Ouais, vas-y. Parce que je trouvais ça intéressant et en même temps peut-être un peu inquiétant, je ne sais pas. Mais sachez que les Gardiens de la Galaxie ont eu des projections de test qui apparemment ont été du tonnerre de Dieu. Ils ont tout pété les scores et tout. Ce qui veut dire que le public est satisfait. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les projections de test, c'est en gros aux États-Unis, les producteurs, distributeurs, machin, ils sélectionnent des gens, ils leur font voir le film. Donc bien sûr, ils ne doivent pas dire ce qu'ils ont vu. Mais à la fin, ils ont un petit questionnaire à remplir pour dire est-ce que vous avez aimé l'histoire, vous avez aimé les scènes d'action. Enfin voilà, ça a pour but de voir ce qu'il faut changer pour que ça corresponde un peu mieux, on va dire, au public visé. Mmh. Donc là, les Gardiens, ils ont tout pété. Mais sachez que ça, c'est bien, mais en même temps, ça veut pas dire grand-chose. Par exemple, des grands films comme Pretty Woman, comment il s'appelle ? Ouais, donc c'est pas un grand film, c'était la blague. Non, mais des films comme Forrest Gump, par exemple, ou The Conjuring, a vu des notes assez moyennes, voire pas super. Et pourtant, c'est des films qui ont cartonné, qui sont cultes pour certains. C'est vrai, mais généralement quand les notes sont bonnes, les films sont bons, quoi. Ça marche dans le sens inverse aussi, quoi. Il y a rarement des films en face-tête qui ont eu des bonnes notes qui se sont avérés mauvais au final, quoi. Après, il faut voir. Enfin, ouais, bon. Sauf que ça peut être bien, et en même temps, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... De toute façon, James Gunn, je pense qu'on peut lui faire confiance. C'est un réalisateur, à la base, qui fait des films un peu d'auteur, et il se retrouve dans ce cinématique univers. Il arrive à gérer ça. Et c'est ouf ce qu'il a fait avec les gars dans la galaxie, je trouve. C'est celui qui se détache le plus. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai trop d'attentes dessus. Je l'attends tellement, et j'ai tellement... je pense que je pourrais que être déçu. Le seul truc dont j'ai peur, c'est qu'il se renouvelle pas, en fait. Oui. Faudra voir. Bon, en tout cas, ça peut être sympa. Après, sachant que par exemple, dans le cas de Warner, les projections de test, par exemple, de Batman versus Superman, n'avaient pas été très bonnes, et donc c'est pour ça qu'ils avaient retourné des choses. Et pareil pour Suicide Squad, qu'ils avaient aussi retourné des choses et tout. Donc des fois, ça peut les amener à faire des conneries quand c'est des mauvaises notes. Bon, on va passer à mes deux dernières news. Du coup, et moi, je voulais parler de Marvel qui écoute ses fans et qui écoute ses fans peut-être pas dans. Enfin, pour le cas, c'était bien, mais moi, je sais pas si c'est une bonne idée. Si, c'était une très bonne idée là. Oui, là pour le coup, c'était une bonne idée. En fait, ils avaient sorti il y a pas longtemps une cover pour annoncer une série, donc une série Scarlet Spider. Donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas Scarlet Spider, c'est un personnage un peu secondaire de l'univers de Spidey. Donc, c'est un clone de Spider-Man, donc qui a porté le costume à un moment de Spider-Man, puis après qui a eu sa propre identité. Donc, c'est un personnage un peu plus bourrin, un peu plus sarcastique, qui se pose un peu comme c'est le clone de Spider-Man. Il s'implique moins en tant que héros aussi. Il veut pas trop être un super-héros à la base. Ouais. Donc voilà, stylé comme perso. Un peu plus badass. Et en fait, ils avaient ressorti une cover avec. Avec une, je crois que c'est Bagley d'ailleurs qui a fait cette, avec un redesign du costume, et il y a beaucoup de gens qui râlaient sur le costume qui était pas très beau. Et, parce qu'il lui avait fait une bouche sur Spider-Man avec un smiley, tu sais, on aurait dit un. Mais lui avait un peu mis un espèce de hoodies un peu bizarre, un peu à la Gwen Stacy, enfin à la Spider-Gwen, et ouais, c'était pas très très beau. Et en fait, les fans ont râlé, et ça a bien râlé sur Twitter, et du coup. Ils ont remis exactement le même costume. Ils ont remis exactement le même costume en disant le premier arc, il aura le nouveau costume, parce que le mec, il avait déjà du tout dessiné, et ils ont dit le premier arc, il aura le nouveau costume, puis après on le mettra l'ancien. Ça serait cool qu'il enfin le costume de base est grave stylé en fait, ouais, mais ça serait bien qu'il le renouvelle, mais pas comme ils l'ont fait là. C'était vraiment moche, lui foutre une capuche sur la tête en mode Moi ce qui me pose problème, c'est que s'ils commencent à faire ça à chaque fois qu'un artiste va prendre des risques, les fans vont râler. Les fans ils râlent pour rien, mais là ça valait le coup quand même. Oui, mais je sais pas si c'est une bonne chose que Marvel écoute autant ses fans. Bah, ça a donné des mauvaises choses chez DC, par exemple la couverture avec Batgirl et le Joker là qui était. J'étais sûr que quelqu'un mentionnerait ça. Le truc, c'était une référence à Killing Joke, je trouvais ça trop classe, et ils l'ont enlevé. Enfin, je pense que c'était juste pour faire la pub aussi, mais c'est pas forcément une bonne chose. Mais comme tu vois, pareil avec Riri Williams, Iron Woman, enfin non pas Iron Woman, comment elle s'appelle, Iron Heart. Avec le truc de J. Scott Campbell. Avec le truc de J. Scott Campbell. Ouais, c'était débile aussi. Parce que les fans râlaient. Oui, râlent pour rien. Le plus artiste de chez nous, Juni, est-ce que un petit avis sur est-ce qu'on écoute les fans, est-ce qu'il faut pas écouter le changement de couverture, ouais. C'était une bonne en théorie, je dirais, bah, vu les exemples, dans chacun des cas je trouvais pas qu'il y avait de raison particulière de changer juste parce que quelqu'un n'est pas content. Il y avait rien de particulièrement offensant dans les cas où les gens se plaignaient que c'était soi-disant offensant. Et après, pour ce qui est de la question de l'intégrité artistique, on va dire, le fait est que ce sont des grosses compagnies en fait, et donc en théorie l'artiste il décide de lui-même ce qu'il a envie de faire. C'est à l'artiste de décider. Ben, pour la couverture de Bad Girl, la version officielle en tout cas, c'est que c'est l'artiste lui-même qui a dit c'est pas grave, virez ma couverture, on la remplacera par une autre. Et au final, c'est à l'artiste de décider s'il considère que son dessin vaut la peine d'être remplacé par un autre ou d'être conservé. C'est à chacun cette décision, on va dire. Ouais. Bon bah voilà, j'avais une petite dernière news, mais c'était juste les papas de Bane, qui avaient créé Bane, parce que Chuck Dixon et Graham Nolan qui vont refaire une maxi-série, excusez-moi, sur Bane, qui va reprendre une ville et qui va s'attaquer à plein de personnages. Et moi je trouve ça cool parce que j'aime bien le personnage de Bane, et Bane il est stylé, qu'il ait une série à lui, c'était cool. Le truc drôle, c'est quand j'étais petit, je croyais que Bane c'était vraiment un perso minable à cause du film. Du film de Batman et Robin. Et on va finir sur ça, on va faire la première pause musicale, et on voulait rendre hommage à Kurt Cobain qui aurait eu 50 ans aujourd'hui. Et donc on va vous passer les deux morceaux de cette émission, seront des morceaux de Nirvana, et on va commencer par mon morceau préféré de Nirvana qui est Drain You. One baby two, another says I'm lucky to meet you. I'm down. Yes, from my mouth, yours. pose des questions sur c'était Rain in You de Nirvana et je dédicace cette chanson à Benoît, à mon petit Lou qui a un an aujourd'hui et le même jour que Kurt Cobain. C'est assez cool. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, c'est Comics Discovery et on va vous parler, vous l'entendez peut-être si vous le reconnaissez, c'est la musique du jeu arcade des années. On va l'écouter en boucle là. Ouais, vous allez l'entendre en boucle. Mais elle dure 13 minutes, elle sera un peu moins forte en plus. Donc voilà, on va vous parler des Tortues Ninja. On va commencer par Johnny qui va nous faire un petit recap sur les origines de ces fabuleux personnages. Ouais, je vais essayer de faire ça petit. Après, Faye va nous faire un petit recap aussi sur les séries, le cinéma, les adaptations sur les écrans. Et nous, on va revenir sur un titre qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Batman et les Tortues Ninja. Voilà. Et je laisse la parole à Johnny qui va nous faire son recap. Alors, comment commencer ça? Les tortues ont une origine assez particulière, on va dire. C'est-à-dire que généralement, quand on a des personnages comme Batman et Superman et Spider-Man, très souvent, ces personnages sortent d'une compagnie. Ils ont été créés par un auteur et un dessinateur et ils font déjà partie d'un gros univers où ils ont été édités tout de suite. Généralement, ils sont introduits comme ça. Là, ça commence en 1983 avec Kevin Eastman et Peter Laird. Et Kevin Eastman était un dessinateur de 19 ans à l'époque. Et Peter Laird avait déjà un fanzine qui s'appelait Scat. Et c'est grâce à l'un de ces fanzines qu'un jour, Kevin trouve dans un bus. Et il se dit, j'ai envie de dessiner, je vais contacter ce gars. Et ils ont commencé à dessiner ensemble. Et un soir, ils sont en train de... Ils ont créé leur propre maison d'édition qui s'appelle Mirage Studio, ainsi appelée parce qu'eux-mêmes ne pensaient pas que la compagnie allait donner quoi que ce soit en fait. Et un soir, ils sont en train de dessiner devant la télé en mangeant des pizzas, et il y en a un qui dessine une tortue avec des nunchakus sur les bras, et qui lui dit « Ah, c'est une tortue ninja !» Et ils ont trouvé ça vachement drôle, et ils s'en sont mis à en dessiner une deuxième, puis une troisième, puis carrément une couverture, puis un bouquin entier. Et le bouquin a fini par donner une suite, puis une autre. On les a contactés pour leur proposer un deal pour fabriquer des figurines, un jeu de société, une série télé, un film, et puis ben, le reste vous connaissez, hein. Et la grosse spécificité en fait, c'est que lorsqu'ils ont été créés, c'était à l'époque de Frank Miller, c'était en derrière les marches de Jack Kirby. Et Frank Miller, c'est le gars qui a révolutionné Batman avec The Dark Knight Returns, c'est le gars qui a révolutionné Daredevil quand il a relancé le personnage aussi. Et on retrouve beaucoup de ça à l'intérieur. Le premier numéro des Tortues Ninja, c'est leur origine est calquée sur celle de Daredevil avec l'aveugle qui traverse la rue, le camion qui manque de l'écraser et le gamin qui le sauve. Ça, c'est l'origine de Daredevil. Et le produit chimique qui était censé le rendre aveugle, dans cette version-là, tape sur sa tête, continue le long de la rue, tape dans un bocal et rend contact avec les quatre tortues et un rat. Le rat s'appelle Splinter, qui veut dire Echard, qui est basé sur le maître de Daredevil qui s'appelait Stick, qui veut dire bâton. Shredder, il est basé sur, je sais plus si c'est une râpe à fromage ou une déchiqueteuse. Mais, et le truc, c'est qu'on s'est souvent considéré comme une parodie, mais la grosse force des Tortues Ninja, c'était que la bande dessinée avait un peu ce sens, où comme si on récupérait l'essence de tout ce qui était comics d'aventure à l'époque, et qu'on distillait ça pour en faire un seul et unique bouquin, et ça se retrouvait à l'intérieur. Tous les lecteurs qui ont lu ce truc se retrouvaient justement la force de Kirby, le côté noir de Frank Miller, et surtout la passion en fait des gars qui les ont créés. Et c'est ce qui a fait en fait la force de la série, qui au fur et à mesure elle a été donnée ensuite à d'autres auteurs qui ont apporté leur touche aussi, puis les dessins animés, etc. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'essaye de... Ok, on va peut-être présenter pour les gens qui sortiraient d'une grotte et qui ne connaissent pas les Tortues Ninja. Est-ce que tu pourrais me rappeler un peu le concept de qu'est-ce que les Tortues Ninja? Alors, donc les Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles en anglais, dont la traduction littérale serait ado mutant tortue ninja. Donc en gros, le concept, c'est que c'est quatre tortues mutantes qui habitent dans les égouts de New York avec leur père et maître en ninjutsu, qui est un rat qui s'appelle Splinter. Et il leur explique que lorsqu'ils étaient tout petits, qu'ils étaient encore des tortues normales, lui-même était un rat normal, et un jour il a vu donc un vieux monsieur qui traversait la rue, petit garçon qui le sauve, et le camion fait tomber une canette de produits chimiques, et le produit les touche, et c'était du mutagène qui leur donne à tous une mutation, qui leur donne une forme plus humaine, qui leur permet de parler, de fonctionner comme des humains, et ils décident de vivre dans les égouts et d'apprendre les arts ninja de leur maître. et leur maître leur explique que lui-même, en tant que rat, il était la propriété d'un maître ninja qui venait du Japon, qui s'était fait assassiner par le Shredder, donc le chef d'un clan ninja qui s'appelle le Foot. Et que pour venger son maître, donc, il a entraîné ses quatre tortues aux arts du ninja pour retrouver le Shredder et ben, le zigouiller en fait. Et donc le premier chapitre, la première histoire, finit avec les quatre tortues qui affrontent le Shredder et qui le tuent, et qui donc vengent le maître de leur maître. Et c'est ce qui a lancé en fait toute la série ensuite, c'est le concept était absurde possible, et il se prête à plein d'histoires possibles et imaginables. Au fur et à mesure des années, les tortues vont rencontrer des aliens, des créatures venues d'autres dimensions, ils vont voyager dans le temps. Rencontrer Batman. Ouais, voilà, les tortues sont absolument géniales parce que tu peux les mettre dans n'importe quel cadre possible et imaginable et ça marche. Ok, bah merci à toi et on va passer aux écrans, on va dire. Ouais. Avec Faye qui va nous parler des dessins animés, tout ce qui a marqué notre enfance. Alors, je ne parlerai pas du jeu vidéo sur NES qui a traumatisé une génération d'enfants comme moi. Ce n'est pas celui-là, c'est un autre jeu vidéo. Non, c'était le jeu NES. Ouais. Ah, mais c'est pas ce qu'on entend. Ça, c'est un jeu arcade. Donc, en gros, hop là, c'est mon téléphone. Mon micro s'en va. Alors, les Tortues Ninja, au niveau adaptation, ça va s'articuler avec de l'animation, une série télé et des films. Alors, on va commencer par l'animation, ouais, avec bien sûr la série de 1987, qui est la plus culte. On va mettre un petit bout du générique que j'ai mis en avant parce que je le trouve vraiment cool. On va pas le mettre en entier, sinon on va l'avoir dans la tête toute la journée. Là, tu as déjà mis en tête jusqu'à la fin. Voilà, vas-y. Et donc, la série, elle permettait un peu de présenter l'univers aux enfants, et puis aussi, ça avait pour but de vendre des jouets. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la série a fait apparaître les bandanas de couleur, puisque dans le comics, je pense que Juni, nos spécialistes, oui, va le confirmer, ils avaient tous un même bandana de même couleur qui était rouge. Voilà. Et là, dans la série, on a rouge, orange, bleu et violet pour que justement les gosses se gourrent pas dans les jouets, parce que ça serait pas l'eau quand même. Hein. Et puis la série, bon, voilà, on retrouve Shredder, on retrouve le Super Krang, c'était mon préféré, avec le Technodrome. Voilà, on a des mutants, on a plein de choses. Et donc, j'ai revu la série pour voir. Les premières saisons sont assez sympathiques, mais au fur et à mesure, on a des scénarios bizarroïdes, voire étranges, avec des dimensions parallèles. Je pense qu'on en a tous des bons souvenirs, enfin, les gens de cette génération. Je veux pas vous casser la nostalgie. On en a des bons souvenirs, mais il faut pas revoir les épisodes parce que voilà, on garde que le générique maintenant. Disons que voilà, je vous conseille de revoir sur les premières saisons et après voilà, et sachez que ça a duré je crois jusqu'en 96. Moi j'ai grandi avec celle d'après. Oui, bah, je vais en parler en 2003. Et donc ouais, l'an 2003, il y avait ce générique là qui est beaucoup moins bien. J'avais carrément oublié en fait, mais je trouvais que le caractère design était plus stylé. Ouais, ouais, mais le générique il est nul. C'était un peu plus sombre. Mais justement, quand c'était passé pour la première fois à la télé, j'avais eu du mal, mais là en les revoyant, ben finalement c'est peut-être celle que j'ai préférée parce que je l'ai trouvée beaucoup plus sombre. Et en faisant des recherches, j'ai appris que ça se rapprochait sur les premières saisons un peu plus de l'esprit du comics. Ouais, je confirme. Donc du coup, ça m'a vraiment donné envie de lire le comics parce que je connaissais c'est pas que les tu premiers. Tu préfères Johnny aussi, non? Oui. Et d'ailleurs, bah, la deuxième série, celle de 2003, il y a Kevin Eastman ou Peter Laird, l'un des deux, qui a bossé sur cette série, alors que sur la série de 87, c'était pas le cas. Ça m'a exactement donné envie de le regarder de nouveau. Ouais. Bah, franchement, je vous la conseille. Alors, par contre, là, il y a des petits soucis sur les dernières saisons, ouais, à savoir que la saison 5 est passée après la saison 6, et la saison 6 est une histoire de voyage dans le temps qui apparemment n'avait pas plu aux fans. Mais comment la saison 5 peut pas. Ouais. Parce qu'en fait, la saison 5, on l'appelle la saison perdue. Apparemment, je sais pas ce qu'il y a eu comme souci, mais ils l'ont repassé à. D'accord. Après. C'est un gros bordel. Toute une saison entière, genre les gars s'en battaient les couilles, ils n'ont pas enregistré. Mais vraiment, je vous la conseille, voilà, pour le chara-design des persos, pour le fait que justement les personnages sont beaucoup mieux travaillés dans la série d'avant, où la série d'avant on avait les personnages de Michelangelo et de Raphaël, et non pas Raffaello, qui étaient un peu les deux bouffons de service, c'était pas super quoi, enfin bref, ouais. Donc j'ai préféré cette version là et une dernière série d'animation donc qui a commencé en 2012 et qui continue toujours puisque là apparemment je crois qu'on est en attente pour une troisième saison. Ok, si avec je n'en pas. Un générique qui est cool cette fois par contre. T'avais dit que c'était cool. Ah, vu qu'il ouais, attends, pas du tout. Laisse un peu plus générique, il est vraiment cool. Il y a du rap dedans. Franchement, il est cool. Non, il est cool. Je préfère Go Ninjago. Ça va, mais l'instru derrière, elle fait vraiment. Ouais, non, je sais pas. Donc là, je c'est. Que, enfin, oui, je sais pas si c'est votre avis, mais je trouve que les tortues elles vont bien avec le côté hip-hop, tout ça. Ça... Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc dans cette série, street. Donc par Nickelodeon, on s'est plus ciblé, je trouve, pour un public ado. Moi, ça passe un petit peu moins bien. La série est en images de synthèse. Alors, on a pas mal de références pop culture. On a pareil les personnages des tortues qui sont quand même. Voilà, ils ont quand même leur propre personnalité. Mais moi j'ai un peu du mal avec les histoires et l'ambiance. Donc bah, je pense que... Johnny, je crois que tu l'aimes bien celle-là. Je l'aime bien, mais elle est pas parfaite. Là où, comment dire, les gros avantages qu'elle a, c'est déjà au niveau des designs, parce qu'ils ont vraiment mis le paquet au niveau design de tous les mutants. Les tortues ont même un physique qui se différencie beaucoup, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça va même au-delà des couleurs de bandana. Leur maître Splinter est absolument génial. D'ailleurs, je recommande de regarder la série en VO parce qu'il a un accent japonais et il a vraiment un côté imposant. Après, au niveau des effets, des éléments plus ou moins négatifs, il y a beaucoup de fillers qui sont pas nécessairement très intéressants. Et on se retrouve souvent à attendre. On a un épisode où il va se passer un truc absolument traumatique, et pendant les 5 épisodes qui suivent, ils vont faire des trucs qui n'ont rien à voir et ils ont l'air de prendre ça tout à fait normalement, comme si c'était rien passé. Ok. Okay. Ça me rappelle Star Wars Rebels du coup. Et d'ailleurs en VO me semble-t-il il y a Seth Green qui fait une voix. Ah, je le dis ça comme ça, mais voilà. Ensuite on passe aux séries télé avec en 97. Tu peux vite passer sur oui les oui je passe très vite parce que c'est vraiment je ne vous souhaite pas de le regarder sauf si vous voulez rire un coup. Donc il y avait une série live des Tortues Ninja avec des costumes qu'ils avaient dû acheter 3 francs 6 sous sur le marché, c'est-à-dire les bouges des tortues ne tenaient pas tellement c'était du raccommodage. Et il y avait une cinquième tortue qui était une fille qui s'appelait Milo de Vénus ou Vénus de Milo. Voilà, et en fait son seul rôle c'était d'être une fille. Et d'avoir des seins. Voilà, et dans les épisodes que j'ai vus, à chaque fois c'était à deux doigts, ça se faisait pas violer par les tortues, hein. Ils attendaient que ça. Hein. Okay. Voilà, mais scénario moche, humour très pipi caca et combat pas terrible quoi. Et bon, on va passer à la partie, je pense, qui vous intéresse. Enfin, si, quand même, avant d'aller sur les films. Non, tu nous lâches avec cette chanson. Non, je veux faire juste un hommage, parce que je me suis tapé le Christmas spécial des Tortues Ninja, c'est-à-dire une cassette vidéo qui était sortie, donc qui était un peu sur le concept de la série live, où en gros, ils fêtent Noël, ils devaient acheter des cadeaux à Splinter, et ils chantent tout le temps. Et il y a cette chanson magnifique à la fin où Splinter nous raconte tous les cadeaux qu'il a eus. Et une fois que vous entendrez cette chanson, comme moi, vous ne pourrez pas vous en débarrasser, et vous n'en pourrez plus, vous n'aurez qu'une envie, c'est de faire passer. En fait, c'est comme Ring, il faut faire passer la cassette. Elle dure très très longtemps. Voilà, elle on la mettra pas. Ouais, on la mettra pas parce que elle m'a supplié pour que je le mette et je le mettrai. Oui, je voulais vous souffrir. Ouais. Alors passons au film maintenant, James. Oui. Alors en 1990 est sorti le premier film Tortue Ninja. Et saviez-vous que ce film était un film indépendant? J'ai vu ça en faisant mes recherches. Il avait été produit par New Line parce que tous les autres studios ne voulaient pas faire le film. Et donc New Line à l'époque était un jeune studio et c'était un film indépendant. Et c'était même le film indépendant le plus rentable jusqu'à ce que le projet Blair Witch sorte. Wow. Quand même pas mal. Et là, bah, ce film, il est quand même assez culte pour beaucoup de personnes, parce qu'on avait des combats qui étaient sympas, on avait les costumes des tortues faits par le grand Jim Henson, justement, qui a fait les Muppets. Voilà, donc quand même, c'est pas de la merde, je vous le dis. Et puis, on retrouvait des personnages cultes, on retrouvait April O'Neil, on retrouvait Il a pas fait que les Muppets, Shredder. Il a fait Dark Crystal. Il a fait plein de choses. J'ai parlé tout à l'heure, il a fait aussi une marionnette dans Farscape. Enfin, je crois que c'est plus son fils ou il a sa société, enfin bref. Mais il a je sais plus si ça existe encore, mais il avait une télé-réalité, enfin un peu une télé-réalité, tu sais, comme Face Off, ouais, mais sur les Muppets, c'est Jim Henson Creature, où c'était une espèce de concours avec des gens qui créaient des créatures et tout, c'était vachement cool. Enfin bon, en tout cas, le film était sympa, donc je dis, on retrouve Shredder, Splinter, tout le monde. Par contre, c'était un peu décevant sur la fin. Donc je ne sais pas si je peux spoiler. Le film. En fait, on attendait une grosse baston Shredder contre Splinter. Finalement, c'est un pétard mouillé, quoi. Donc, c'est un peu la grosse les costumes, ils peuvent pas vraiment se battre avec. Ouais, oui, bah, étant donné que c'était une marionnette, c'était un peu compliqué, mais c'était un peu déçu. Enfin bref. Alors ensuite, en 91, est sorti un deuxième film. Donc là, on retrouve encore notre ami Shredder qui est ridiculisé. C'est pas possible. C'est Tortue Time, ça ? Non. Tortue Time, en fait, c'est le un jeu. Non, mais il n'y a pas un truc avec. C'est le troisième. Ah, c'est le troisième. C'est parce que c'est un voyage dans le temps. Laisse-moi finir, James. Oui, vas-y, merci. Excuse-moi. Donc, dans le 2, eh bien, rebelote, on retrouve tout le monde. Il y a déjà un petit peu moins de budget, je trouve. On a Vanilla Ice qui chante le légendaire Go Ninjago. Ah, c'est dans le 2, celui-là. C'est juste magnifique, cette scène. Putain, tu vois, tu me trompes, je sais plus où j'en suis. Et puis, après, on a déjà une baisse de qualité parce qu'on a un humour qui est plus. enfantin. Et ça se voit aussi dans les combats, parce qu'on a des combats qui vont être plus dans le style Jackie Chan, à savoir je fais des blagounettes en combattant, j'utilise des objets pour ridiculiser l'adversaire et tout. Donc c'est déjà une baisse de qualité, c'est un petit peu dommage, mais c'est quand même regardable. Et arrive la fameuse année 93 avec ce film qui a traumatisé une génération comme le jeunesse, où les tortues voyagent dans le temps. Et là, eh bien, on voit l'époque des samouraïs. Ouais. Et là, eh ben, oui, on a un gros souci déjà de budget dans les costumes, à savoir que on arrive à voir les gens qui sont dans les costumes par le trou de la bouche, tellement c'est mal animé. Splinter commence déjà à ressembler à une patate pourrie, à je ne sais pas quoi, mais pas à un rat. Donc c'est une très très grosse déception. Et ensuite, en 2007, nous avons une adaptation animée en images de synthèse. Un petit tour de table pour les premiers films, c'est... Il y a des gens qui ont des souvenirs de ces films-là. Alors moi, je m'en souviens plus du tout, mais je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais vraiment bien aimé, quoi. C'était le genre de truc que je regardais en boucle, les Tortues Ninja. Et avec la série après animée qui est sortie et le générique, là, j'étais... C'était de la bombe. Mais bon, après, j'en ai plus aucun souvenir, quoi, à part le générique. Bon, toi c'est ta jeunesse, c'est un peu plus jeune. Ouais, mais j'ai regardé du coup le premier, là, il y a pas longtemps. Et il est vraiment kiffant. Mais après, on me passait les cassettes quand j'étais petit, mais je m'en rappelle plus du tout. Mais en tout cas, ouais, le premier était sympa. Après, j'ai pas regardé les autres parce qu'on les a tous déconseillés. Donc, D'accord. Regarde le 2 à l'arrière. Johnny. Ouais, peut-être. Alors, je les ai pas vus quand j'étais petit. Bon, en tout cas, j'ai pas le souvenir. J'ai revu le premier il y a quelque chose comme 2 ans, peut-être. Et dans mon souvenir, il a pas nécessairement super bien vieilli. Mais il est extrêmement bien fait. Surtout au niveau des ambiances. Parce que, au niveau technique, les costumes sont absolument géniaux. Mais c'est surtout au niveau des ambiances, de comment ils ont géré les décors, les égouts, etc., de comment ils ont utilisé quelques petits artifices niveau lumière. Ouais. Et on retrouve vraiment, ils ont vraiment essayé justement de reprendre l'ambiance de la bande dessinée d'origine et de faire un peu plus sombre. Que le dessin animé. Okay. Quand on regarde ça, on a toujours envie de manger une pizza. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est quand il y a les petites tortues, quand je vois, ils sont tout petits, qui font pizza, pizza. J'étais à fond, petit. Vas-y. Et j'étais à moi de Casey Jones. Enfin, Casey Jones, qui est un autre personnage. Oui, qui était un personnage culte que j'ai. On n'a pas encore parlé. Oui, qui est dans le premier film. Ouais. Ouais. Donc, en 2007, un dessin animé en images de synthèse est sorti qui s'appelle TMNT. Ouais, c'est plus cool, vous voyez quoi. Trop bien. Et là, ben, c'est plutôt pas trop mal. On a un scénario qui est assez troué. On a l'impression qu'il nous manque un film qu'on aura dû voir avant. Enfin, c'est pas super clair. Mais ce qui est super intéressant, c'est la relation entre Leonardo et Raphaël. C'est Raphaël. Ouais, je confonds toujours avec Michelangelo. Je vais y arriver. Michelangelo. Ils peuvent pas s'appeler tous autrement. Bon, bref, c'est le rouge. Oui, voilà, donc Raphaël. Donc voilà, c'est la relation entre les deux, justement, cette place de voilà, je suis le leader, je suis rebelle. Raphaël, c'est un peu le rebelle dans l'équipe. Voilà, il a un peu du mal à trouver sa place. Et le film est super intéressant pour ça. Et à noter qu'en VO, la voix d'April O'Neil est faite par Sarah Michelle Gellar. Donc Buffy, pour les gens qui ne sauraient pas. Ouais. Donc je voulais dire un petit mot dessus avant que je passe à ce qui va faire mal. Moi je me souviens pas trop, mais il n'y avait pas un film où il rencontrait les Tortues Ninja du vieux... Alors il y avait un crossover en effet entre les différentes séries animées Tortues Ninja qui s'appelait Tortue Forever, me semble-t-il. Est-ce que vrai, ça c'est super cool. C'est très sympa, tu peux le trouver sur internet, tu peux regarder ça, tout le monde d'Amérique. Ouais, je prends un petit accent. Un petit accent marseillais. Je sais qu'à l'époque où Jazz the Wanderer de Comic Club qui était encore sur Montpellier, il m'en avait parlé en me disant « Regarde ça, c'est trop bien !» et tout. Bon, et là, je vais aller très vite avec deux films sortis en 2014 et 2016, produits par ce que j'appellerais un étron cinématographique mental, qui est Monsieur Michael Bay. Donc, deux films qui s'appellent Ninja Turtle, alors qu'ils nous présentent des tortues ninja, allez, on va dire un petit point positif, qui sont quand même pas trop mal caractérisés. Ah non, on retrouve les personnalités. Ah oui, les personnalités. Physiquement, oui. Par contre, c'est des espèces de gros trucs tout moches. Mais, alors attention, je vais m'énerver. Mais le coup de « on apprend les arts martiaux dans un bouquin trouvé dans une poubelle », non. En fait, ce qui va pas avec ce film, vraiment, c'est que tu peux pas rendre les Tortues Ninja réalistes, c'est pas possible. Autant aller dans le premier. Si, ils peuvent. Bah ouais, mais il y avait un petit côté kitsch, alors que là ça passe mais pas, ça passe pas. Et puis, du alors, tout. Le scénario, ils nous prennent pour des cons. Je pense que je suis désolée, mais ça insulte les fans, ça insulte les geeks, et c'est sexisme au sexto possible. Mais putain, April O'Neil, c'est une débile, une autiste, la meuf, quoi. Elle est conne, elle prend des photos des tortues, elle les montre même pas, elle va voir un méchant, elle montre la photo, elle est débile, ça m'énerve. Le premier regardable, il est drôle, vraiment, un peu bourré, avec une soirée avec des pizzas. Il y a des scènes d'action qui passent. Mais le 2 est pas regardable. Le 2, c'est des blagues prout prout kata. Vous avez c'est quoi, tu m'as donné envie de le voir. Bebop et Rocksteady, ils passent leur temps à faire que des blagues sur le prout ou sur la taille de leur sexe. Après vous avez cet abruti de Haru, excusez-moi je peux pas dire autrement, qui fait Casey Jones, qui passe tout son film, tais-toi merci James parce que c'est le moment où je m'énerve, il passe tout le film à s'extasier sur tout. C'est idiot. Et ils ont Will Arnett, ils nous font faire de la merde. Le pauvre Will Arnett. Voilà, et puis ils ont Krang. Ils ont fait n'importe quoi avec Krang. Et en plus, il a même pas sa bonne voix en VF. Moi, j'étais triste quand j'ai vu ce film. Putain, qui regarde la VF. Mais oui, mais je voulais voir la VF pour voir s'il avait sa voix parce qu'elle était trop culte. Mais ça m'énerve. Il y a du potentiel. Quand on écoute ce qu'il y a dans le comic, quand on voit ce qui a été fait en série animée, il y a du potentiel. Alors pourquoi prendre le public pour des cons et Michael faire un scénario ras des pâquerettes? Voilà, ça m'énerve. Excusez-moi, mais ça m'énerve. Ça, voilà. Vite sur le comics, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Il est déjà 46. Vas-y. Je sais, c'est Thomas qui a fait qui a fait la review. Vas-y. Alors moi, je vais vous présenter Batman et Tortue Ninja. Donc quand on dit Batman et Tortue Ninja, on a l'impression que ça va pas trop ensemble, mais les deux maisons DC et IDW se sont alliées pour faire un crossover un peu. Non, rien, laisse tomber. Ouais, tu voulais que je dise en. Non, parce que tu commences en anglais et tu finis en français. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un peu le genre de crossover comme on avait dans les années 90, en mode on croisait Marvel et DC et tout, mais ça se refait actuellement, un peu comme avec Justice League et Power les Looney Rangers. Tunes, en ce moment, ils font les Justice League et les Looney Tunes. Ok. Et il y a aussi un crossover les Tortues Ninja et Ghostbusters, enfin bref. Alors attends deux secondes, ça me perturbe d'entendre le retour de ma voix. Et donc du coup, en fait, on peut trouver une sorte de point commun entre ces deux thèmes, ces deux licences différentes, c'est que Batman a eu aussi ses périodes un peu édulcorées, alors que maintenant on le voit vraiment comme un pilier du Dark Age, ouais. Et que les Tortues Ninja ont eu aussi leur Dark Age, mais au tout départ, et que maintenant on les voit vraiment dans un style un peu plus édulcoré. Et donc celui qui est le scénariste qu'ils ont choisi pour ce défi, c'est James Tynion, 4, je sais pas pourquoi il y a un... Parce qu'il y en a 3 avant lui. Ok, ok, bah ça me paraît plus logique, ouais. En gros, c'est un scénariste de DC Comics qui a beaucoup travaillé avec Scott Snyder sur... Ouais, sur Batwoman aussi, je crois, il a bossé. Sur New 52 avec Batman, il a beaucoup travaillé sur Batman. Et donc du coup, pour relier Batman aux Tortues Ninja, bah, il a fait un truc plutôt simple, c'est que les Tortues Ninja, vu qu'ils ont l'habitude de se téléporter dans d'autres dimensions, et bah tout simplement les Tortues Ninja vont se retrouver avec le clan Foot à Gotham City, et Batman va devoir aider les Tortues Ninja à retrouver leur monde et faire face au Foot Clan. Donc du coup, c'est un gros délire que je trouve plutôt bien effectué. C'est un peu ce genre de délire où on aimerait voir, je sais pas, Superman contre Goku. Bah là, on a Batman contre Shredder et Batman même comme contre les Tortues Ninja, parce que quand deux super-héros se rencontrent, ils sont obligés de se foutre sur la gueule, c'est oui, forcément c'est obligé. Et avec une très belle scène où Damian Wayne défonce les Tortues Ninja qui m'a... oui, oui, c'est vrai. Et donc du coup, bah, en fait, les Tortues Ninja, pour moi, je trouve que dans le scénario, ils ont fait un peu les Tortues Ninja comme une sorte de Robin, en fait. C'est ceux qui vont ramener un peu l'humour dans le côté sombre de Batman. Ça va un peu contrebalancer ce côté un peu dark de Batman. Je trouve ça plutôt bien fait. Il y a un grand respect des deux univers. C'est-à-dire que, bah, vu que James Tynion, il connaît bien Batman, bah, il va pas déformer sa continuité. Donc voilà, ça déforme pas la continuité, mais ça impacte rien non plus sur la continuité. C'est pas un crossover qui va impacter. De toute façon, un crossover, ça peut pas impacter grand-chose. Ça peut pas non plus être le Messi. Donc c'est un simple divertissement qui passe bien. Enfin, ça se lit vachement bien, ça se lit super bien. Ouais, vite, ça se lit super bien, c'est un bon divertissement. Et si vous êtes fan de Batman et Tortue Ninja, bah, ça passe crème. Et après, au dessin, on a donc Freddy Williams 2. Donc on aime bien les chiffres. Il y en a deux avant lui. Oh, non, il y en a un avant lui. Donc du coup, lui aussi, il a travaillé sur DC Comics et il a travaillé aussi un peu chez Marvel où il a fait du Thor. Donc lui, c'est un dessinateur qui aime bien dessiner des personnages tout en muscles. Après, il a un découpage assez simple, mais c'est efficace, ça se lit très simplement. Et du coup, je trouvais que les personnages tout en muscles, ça passait bien avec Batman et Tortue Ninja, ouais. Du coup. Mais celui que je trouve qu'il a fait un super boulot, c'est Jeremy Colwell qui a fait les couleurs. Et il a fait un putain de jeu de lumière entre des nuances gris, clair et blanc, et avec une sorte de couleur un peu style aquarelle. Donc j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça rajoutait un bon cachet au dessin. Sur le dessin, je trouve que sur les Tortues Ninja, c'est vraiment génial. Ouais, ça, et c'est, mais ouais, sur Batman, et des fois, coup, c'est un peu pour moins pour les gros fans de Tortues Ninja, bah, les couleurs, elles sont respectées de chacune des tortues. Ouais. Même que voilà. Raphaël, il a des sur son masque, il y a des petits on dirait qu'il s'est fait râper un peu le masque. Ouais. J'avoue, bah, j'ai adoré les dessins. Du coup, pour conclure. Mais par contre, sur Batman, c'est ce que tu m'as. Ouais. Bon, pour conclure, pour moi, c'est pas un truc qui va marquer ni rien, mais en tout cas, si vous êtes fan de Batman ou des Tortues Ninja, c'est un truc qui se lit simplement et qui risque de vous faire plaisir, quoi, si vous êtes fan des deux licences. Du coup, tu l'as lu, Romain. Ouais, t'as un petit avis dessus. Ouais, pour les fans et tout, c'est bien, mais même pour ceux qui connaissent pas, je pense que c'est vraiment un bon point d'entrée. Parce que le public visé pour Urban, c'est les jeunes, hein, ils l'ont sorti leur catalogue Kids. Et même s'il y a une ambiance assez mature, je pense que ça plaira aux plus jeunes. Et pour découvrir les Tortues Ninja, c'est top. Et en plus, il y a des petites fiches. Il y a des petites fiches en plus qui décrivent les personnages, etc. Alors, j'ai pu voir qu'il y avait une origin story qui avait changé par rapport à celle racontée par Juni à l'intérieur. Comme quoi, ça serait un grand samouraï et ses quatre fils qui auraient été tué par Shredder dans les Sens Anciens, réincarné dans les Tortues Ninja. Je trouve c'est pas mal aussi. Mais c'est peut-être la truc qui en ce moment sur. C'est la maison d'édition IDW qui publie les Tortues depuis 2011 qui a changé un peu les choses. L'idée en gros, c'est que maintenant Splinter et les quatre tortues sont des réincarnations d'un père et de ses quatre fils à l'époque du Japon médiéval. Et ils faisaient partie justement du clan ninja et le Shredder les a massacrés. Et il les retrouve des décennies, des siècles plus tard, réincarnés en animaux alors que lui-même il a trouvé un truc spirituel pour rester en vie. C'est une réinvention qui d'ailleurs fonctionne plutôt pas mal. Ils ont rajouté un côté spirituel. Il y a Donatello qui croit pas trop aux fantômes et aux trucs comme ça. Et son maître qui lui dit tu devrais peut-être éviter de trop te plonger dans des machines parce qu'il y a des choses que tu connais pas. Ah, c'est stylé. Est-ce que tu l'as lu cette série elle est cool. Ouais, elle est vraiment super. Tu la conseilles pour les gens qui. Justement, tu m'avais demandé laquelle je conseillerais aux gens. Et elle serait en deuxième position parce qu'elle est vraiment bien réactualisée. Elle réutilise plein d'éléments anciens de toutes les versions, en particulier le dessin animé aussi. Ils ont récupéré Bebop et Rocksteady, le Facochère et le Rhinocéros. Ouais. Et c'est la meilleure version que j'ai jamais vue d'eux. Ils sont vachement bien faits. Ils sont tout aussi vulgaires, mais sans être sales. Et ce sont de véritables bourrins. À un moment, ils se prennent un immeuble sur la tête et il y en a un qui se relève en disant oh, je déteste quand ça nous arrive. Et c'est vraiment extrêmement bien utilisé. Tu sais si c'est dispo en VF c'est dispo, on me l'a conseillé aussi. J'ai Delcourt, je crois. J'ai les 3-4 premiers tomes chez moi. Mais la vraie recommandation que je ferais, c'est vraiment la série des années 80, qui du coup est difficile à trouver. Mais certaines histoires sont meilleures que d'autres, mais je pense que c'est vraiment celle sur laquelle il faut vraiment jeter un œil, parce que c'est les tortues au sens pur. C'est sombre, c'est sale, il y a ce côté underground qui est vraiment très très fort. Et les histoires sont superbes. On va faire un petit tour de table vite fait sur très très vite parce qu'il nous reste plus que 2 minutes. Juste 2-3 mots sur les tortues. Qu'est-ce que vous conseillez le titre comme tout le monde l'a lu? Ouais. Moi je conseille le titre rien que si on veut voir Michelangelo et ses compères foutre le bordel dans la batcave. C'est quoi ta tortue préférée? Voilà. Ma tortue préférée c'est Raphaël. Ok. Thomas. Ma tortue préférée c'est Donatello. Est-ce que tu conseilles le titre? Non, j'ai fait tout ça. Ma conclusion a servi à rien. Non, mais. Excuse-moi. Ma tortue préférée, c'est Donatello. Parce que j'avais une petite figurine de Donatello que j'ai gardée taillée de longtemps. Je l'ai plus, je suis triste. Mais voilà, c'est pour ça. Offrez-lui une figurine. Ah oui, offrez-moi une figurine. Envoyez toutes vos figurines Donatello. comicsdiscovery.fr. Vas-y, Johnny, vite fait. Ta tortue préférée, si Leonardo. Tu conseilles le titre. Pour moi, c'est Leonardo. Ce sera Leo jusqu'à la fin de ma vie. Et je recommande vachement. Aussi bien pour les gens qui adorent Batman ou les Tortues Ninja ou les deux que les gens qui les connaissent pas. Je pense que c'est vraiment le type de bouquin qu'on prend, on l'offre à son enfant de 10 ans, peu importe le sexe d'ailleurs, parce qu'on a tendance à dire que c'est essentiellement pour les garçons, et il va juste adorer quoi, ou elle va juste adorer parce que c'est du fun en papier quoi, c'est super. Ok, vas-y Faye. Alors ma tortue préférée c'est Donatello parce qu'il a un bandana violet. D'accord. Et qu'il est intelligent et qu'il a un gros bâton, j'aime bien. Ouais. Dit comme ça. J'étais sûre que ça vous ferait rire. Vous avez vu les filles qu'on voulait faire rire des mecs, voilà. Bref, et je recommande le titre parce que j'ai été bien surprise. Enfin au début je trouvais ça un peu ridicule, mais finalement je trouve les dessins super cool, l'histoire se lit facilement, donc voilà. Et je conseille aux gens de voir le Christmas spécial. Ok. Souffrez. Donc moi ma tortue c'est Raphaël parce que c'est le plus cool. Soyons sûrs. C'est clair. C'est Raphaël. Donc moi je conseille vraiment le titre, c'est sympa. Bon, je le conseille en mode vous avez envie de lire dans les chiottes, bah voilà, c'est sympa, c'est tranquille. Ça c'est le conseil. Non mais je veux dire c'est pas du. Oui. C'est pas un truc où t'as besoin de te concentrer. Tu vas te concentrer. Mais par contre je vais lire les séries que tu as conseillées. Et on va finir sur ça. Mon pas de coup de cœur parce qu'on a plus le temps. Rappelle les concours. concours peut-être, James. Le concours. On va rester une semaine en plus parce que j'ai des nouvelles figurines à vous faire offrir. Donc toujours la même question. Qui interprète Emmett dans Lego La Grande Aventure? Vous m'envoyez en VO. En VO, oui. Donc vous m'envoyez par mail à contact@comics.fr et vous pouvez nous retrouver sur internet de tout partout. Comics Discovery, www.comicsdiscovery.fr. Voilà, et les Facebook, réseaux Twitter, sociaux @comicsdiscovery. On va aller plus vite parce qu'il y a Sport and Chill derrière nous. Donc Sport and Chill qui va vous parler de foot en salle. On est désolé, on laisse un peu à la bourre et on va finir sur du Nirvana car c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, les 50 ans de Kurt Cobain. Oui, mais c'est une reprise de David Bowie. Oui, effectivement. Allez, bon, bye. Salut. Said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his hands. I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. I've died.